Maëlle, je suis content que tu écoutes mes albums. Maëlle, je suis content que tu écoutes mes albums. Tony, je suis content d'écouter tes albums. Tony, je suis content d'écouter tes albums. En somme, on est content d'écouter de la musique. Oh, en somme, on est content et c'est bien. C'est bien. Maëlle, je suis content que tu écoutes mes albums. Maëlle, je suis content, oui, que tu écoutes mes albums. Tony, je suis content d'écouter tes albums. Tony, je suis content tes albums. En somme, on est content d'écouter